Mathieu a voté. J'ai été obligé de me révolter face à mon père, face dans des discussions de table politique. J'ai été considéré comme le gosse de gauche. Quand j'habitais à Lyon en 2009, je voulais voter pour les européennes et je voulais voter pour Conde Bendit. Mais quand mon père l'a appris, ça a été un choc, quoi. C'était prendre, à mon avis, de plein fouet une remise en cause de son mode de vie. Parce que pour lui, Conde Bendit, c'était pas autre chose que Daniel Rouge, quoi. Ça a été très violent, quoi. Shaking out of my brain. I'm Les ruptures sont toujours mal vécues dans la famille parce que, bien évidemment, que les conséquences affectives que cela suppose sont difficiles. Renoncer avoir telle ou telle branche de sa famille, avoir ses parents ou avoir ses enfants pour des raisons politiques, ce n'est pas facile. Quand on regarde ce qui se passe concrètement, la continuité domine. En gros, les deux tiers des personnes s'inscrivent plutôt dans la continuité idéologique des choix de leurs parents. Hein, les cas de rupture, de franche rupture, ne concernent que 10-12% des individus. Yeah. Moi, j'ai toujours vu mon père, quand on était en voiture, gueuler après des syndicalistes qui tractaient au feu rouge ou qui se mettaient en grève dans la rue. Bon, et ça, c'est des choses qui restent, en fait. Cette manière de considérer les gens qui font grève comme des gens qui dérangent, comme des gens qui trouvent toujours une bonne raison de ne rien faire, ben finalement ça reste pas mal, quoi. C'est-à-dire que ça devient un réflexe. Enfin, du moins, c'est devenu un réflexe. Ça, c'est un réflexe. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un en grève, on se dit forcément, putain, mais il nous emmerde, il pourrait travailler.

Cause it's too much to give, cause you're bound to live for the thrill of it all. Rich girl, and you've gone too far, cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch girl, but it's gone too far, cause you know it don't matter anyway. Some money, money won't get you too far. Some money, money won't get you too far. Some money, money won't get you too far. Get you too far. You're the light of my life, Coors Light. Coors Light is very tight. You're the light of my life, Coors Light. Sobriety is not for me. You're the light of my life, Coors Light. When darkness comes, another lonely night, I drink as many as I can find. Cause you're the light of my life. L'affectif est omniprésent dans ce qui va construire le rapport de chacun à la politique. C'est dans les premières années même de la vie, des apprentissages, de l'enfance, de la vie de famille que se forme le premier rapport à la politique. Cette transmission se fait par imprégnation de toutes petites choses, implicites, diffuses, au travers du discours quotidien, au travers des valeurs qui sont mises en avant, au travers de la façon dont les parents vont relayer tel ou tel aspect de ce qui se passe dans la société, dont ils vont réagir, mais aussi au travers des valeurs dans le rapport éducatif du quotidien. Donc, c'est au fond par de l'infra-politique que la politique se transmet. And

m'avait amené, mais alors c'est un souvenir assez flou, m'avait amené quand j'étais très petit à la victoire de Chirac. Je crois que c'était en 95. Donc j'avais 9 ans. Et bon, à 9 ans, on voit juste là l'occasion de s'amuser un peu avec des camarades ou de manger, de boire, etc. Mais je sais plus où est-ce que c'était exactement, mais je sais qu'il y avait du monde, il y avait des gens qui étaient très contents, il y avait un grand écran. Mais c'était en intérieur, et je pense que c'était pas n'importe qui était là. Il devait y avoir quasiment que des notables. C'était pas la fête populaire, quoi. il y avait peut-être, c'est pas le slogan, mais l'insigne de Chirac. Je crois que c'était, on voyait un arbre avec des pommes, etc. Je pense que ça, ça m'est resté. Et les pins, ouais, il y avait des pins à l'époque. Tout ça, c'est vraiment fait pour avoir un ancrage fort dans la mémoire visuelle. Ça se transmet, en fait. C'est-à-dire que autant d'enthousiasme, autant d'émotions partagées, ça a forcément une répercussion quant à la valorisation, en fait, attachée à ce personnage politique. Il sera forcément connoté de façon positive, le personnage politique. Puisque le premier souvenir que l'enfant en question et que j'étais aura de Chirac, bah ce sera directement lié à une fête, à une célébration. Je pense que c'est assez significatif. Murder first degree. I got away, but the doubt they caught me. Life in jail, so they just dead. I'm glad I did it, now that she's dead. All her past burns through her mind. The victim of a heart of torture break. She summons all the stuff that she can find. Her last moments have been filled with pain. 4 seconds is much too long for this song. It's got a reason, it's got a rhyme. It keeps dragging on and on and on and on. Sur le long terme, c'est-à-dire que tout ça, tous ces petits événements comme ça, qui passent directement par la vue, par les sens, dès qu'on est enfant, ben ça nous, d'une certaine manière, c'est un dressage, ça nous apprend à percevoir de façon positive Chirac plutôt que Jospin. Et après, il faut faire tout un travail de déconstruction pour arriver vraiment à le mettre à distance, mais c'est extrêmement dur. Moi, si j'ai pas fait d'études, je pense que je l'aurais jamais fait. Thank you. begin with a public service announcement. I see all you happy couples out there, and let me tell you something. I tell you, it makes me sick. So listen up to what I gotta say to you. Gross people doing gross things. The couples in the park holding hands on the swings. Gross people doing gross stuff. I gotta cover my eyes. I've seen enough. All you loving dumb men's making me sick. Buy ourselves apart now and make it quick. What I'm really trying to say with this tune is I think you ought to get a room. Gross people caught in gross acts. Everywhere I go, it's a matter of fact. Gross people waking, gross love. Keep your tongue in your own mouth. Heaven's above. All you loving dumb men's making me sick. Buy ourselves apart now and make it quick. What I'm really trying to say with this tune is I think you ought to get a room. Sick. I wish someone would come along and show me the trick. Cause if I had someone like you, well maybe I could be yours too. We could be smooching in the street. Crossroads. We could be hugging when we meet. Crossroads. We could say, honey, come back soon. Crossroads. Come on, let's go and get a room. Crossroads. Mes chers compatriotes, je suis candidat à la présidence de la République française. Pour construire demain un univers où l'on peut grandir. Tailler son chemin, gagner l'avenir de ses deux mains. Ensemble, tout devient possible si on y croit. Si on croit. Si on le veut. Ensemble, tout devient possible si on est là. Si on le veut. Show. All she wants to do is have a mom. I took her to a party that Saturday night. All she's gonna do is start a fight. I took her to a friend's the other night. All she wanted to do is start a fight. She picked up her mates and that ain't right. All we did then was fight all night. She's too much for me. I just gotta leave. Just can't stand another night. All I gotta do is get this right. Get this woman out of my head. I tell you what, man, I wanna see her dead. She's too much for me. I just gotta leave. Alexis a voté. Mon père était très impliqué politiquement. Il était adjoint au maire de Lyon du 8e arrondissement, donc il avait des responsabilités politiques. Lui était de centre-droit, à l'époque qui était UDF. Et alors, donc, du coup, la politique était omniprésente parce que, à table, voilà, dans le foyer, il y a beaucoup de discussions très animées entre mon père et ma mère, qui parfois avaient des opinions qui divergeaient. Donc, il y a beaucoup de passion, justement. Ça crée beaucoup de tension. Dans ma famille, j'étais l'un des premiers à défendre Nicolas Sarkozy. J'avais prédit à tout le monde qu'il allait être élu président de la République. Je sentais qu'il était vraiment en adéquation avec... avec les besoins de la France à l'époque. Har någon simmat om som du älskar att förtala? Skulle du en enda gång vilja gå i deras skor? Titta dig omkring idag, den pojken där, har han det bra? Han tvingade sig på en dag de dödade hans mor. Hur är trött på att höra din glöm och sång? Det är dags att jag följer med dig. Mon père, lui, effectivement, profondément chiracien, il a eu beaucoup de mal à passer de Jacques Chirac à Nicolas Sarkozy. Il trouvait ça profondément insultant, quelque part. Tout d'un coup, cet homme politique, Nicolas Sarkozy, qui s'est construit aussi par opposition à Jacques Chirac. Il y a eu quelque chose de presque psychanalytique et freudien, avec une émancipation, tout d'un coup, Nicolas Sarkozy, qui dit « Non, non, maintenant, j'ai plus rien à voir avec Jacques Chirac. Jacques Chirac, maintenant, c'est un peu... personne âgée, parfois se mettait en faux et contredisait le président, et parfois même il l'a un peu déstabilisé et mon père se le déplaisait. Something I did do on this boy, but don't know who. You and me, for some. Voilà. Moi, je trouvais que, bah, de toute façon, Jacques Chirac arrive à la fin de sa carrière politique, il fallait un remplaçant, voilà, il s'exprimait, c'était normal, c'était le jeu. Il parlait en plus d'un discours qui, je trouvais, était neuf, ancré dans son temps, et qui, moi, me séduisait. C'est-à-dire qu'il y a forcément, au bout d'un moment, une lutte qui se produit entre le père et le fils, quoi. Et là, il y avait ça, un petit peu politiquement, il y avait côté un peu oedipien entre, à mon avis, Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac à l'époque. Yourself in my place.